que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain, passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus, moi je n'ai jamais su. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour, m'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps.